Bonjour. Il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui, je me suis dit, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle parce que ça illustre très bien des choses que je dis. Aujourd'hui, j'avais plusieurs choses à faire. Il fallait que j'aille au guichet automatique. Donc, j'entre dans ma banque, puis j'avance où il y a les guichets automatiques, puis le premier guichet automatique, je vois qu'il est hors d'usage, donc dans un même mouvement, je continue d'avancer vers un guichet automatique qui fonctionne. Et puis je fais mes affaires, mais entre-temps, il entre quelqu'un. Le monsieur entre, puis il s'en va au premier guichet automatique, puis tout de suite, il met sa carte dans le guichet automatique, celui qui est hors d'usage. Et puis là, c'est la crise. Calice de tabarnak. Il m'a mangé ma carte. Puis il était choqué, là. C'était écrit en gros sur l'écran que c'est hors d'usage. Moi, je l'ai vu tout de suite. Lui, il entre, il met sa carte, il perd sa carte. Puis là, c'est la crise. Et puis, si je tiens à en parler, c'est parce que c'est lié à un manque de présence, évident. Il faut manquer de présence pour se mettre les pieds dans les plats comme ça avec des niaiseries pareilles pour ensuite faire une colère d'un enfant. Moi, j'ai trouvé ça comique. C'est le genre de choses qui ne m'arrivent jamais. Mais à un moment donné, le monsieur, c'est un monsieur de près de 50 ans. Et puis même rendu à cet âge-là, pas encore suffisamment de présence pour se voir agir, de voir l'environnement, ce qui se passe, et puis de se mettre le pied comme ça sur un clou, parce que ça revient au même au fond. Quand vous vous mettez le pied sur un clou, vous allez ressentir une douleur qui vous dit de vous enlever le pied de là. Si la douleur va générer une colère qui est censée devenir une volonté de ne plus marcher sur un clou. Donc, au fond, c'est très bien la douleur, la colère, parce que c'est censé aboutir à une évolution, au sens d'être présent, de développer de la présence, d'être en action, pas en réaction. Moi, ce que j'ai vu, c'est un monsieur en réaction. Et puis là, il était la calisse de tabarnak, il m'a mangé ma carte, puis il était choqué. Mais oui, mais c'est ça que je veux dire par cultiver de la présence. Quelqu'un qui n'a pas de présence va tout le temps avoir des problèmes, il va tout le temps se mettre le pied sur un clou. Prenez les enfants qu'on dit hyperactifs, là, qu'on leur donne du Ritalin. Mais au fond, leur hyperactivité est une compensation, ils sont en réaction parce qu'ils sont incapables d'être en action, parce que personne ne leur a appris à développer de la présence. Le déficit de l'attention, c'est un problème du fait qu'on ne développe pas de présence, ils ne sont pas présents. En tout cas, moi, les gens qui sont tout le temps à se créer des problèmes, qui sont tout le temps dans la merde, qui se mettent le pied sur chaque clou qui dépasse, ben ce n'est pas mon problème. Au fond, c'est à eux de développer de la présence. C'est à ça que ça sert, la douleur, la colère, et puis donc. Moi, je regarde ça d'un regard amusé. Le monsieur, il est à 50 ans, pas encore suffisamment de présence pour voir ça, là. C'est écrit en gros sur l'écran, puis tout de suite, il met sa carte, il se met le pied sur le clou. Un beau gros clou de 9 pouces, là, qui dépasse. Pauvre monsieur. Mon anecdote d'aujourd'hui. Donc, quand je dis développer de la présence, ce n'est pas anodin. Si vous ne développez pas de présence, vous allez en subir les conséquences. Et puis, c'est comme ça dans tout. Ça s'applique à tout. Et puis, on va dire que ça va faire là, comme anecdote aujourd'hui. Mais, s'il vous plaît, là, si je dis développer de la présence, puis j'insiste là-dessus. En plus, moi, je suis quelqu'un de très considéré comme de très calme, de discret. Je passe souvent inaperçu. Pourtant, j'ai de la présence, Et puis, j'ai pas besoin d'un effort. Il n'y a pas d'effort à fournir. C'est quelque chose de progressif qui se développe, mais pour ça, il faut en être conscient. Donc, ceux qui se mettent les pieds sur des clous, eh bien, moi, j'ai pour mon dire que c'est bien, c'est bon. C'est bon la colère et puis la douleur, la souffrance, parce que ça vise à faire développer de la présence. Mais à un moment donné, le monsieur a 50 ans. Habituellement, on peut parler de quelqu'un qui vit dans une boîte. Jamais sorti de la boîte pour jamais sorti de la boîte pour l'étudier. Habituellement, ces gens-là, on les met, ça finit, on les met dans une boîte, on enterre la boîte. Puis, c'est pas ben ben gentil, peut-être, mais c'est ça. C'est ça, puis c'est réel. Donc, bonjour.